Chapitre 9e. Les recherches opérées par les romassons de la Guyane, dans le but de retrouver leur cargaison disparue, pourraient sembler tout au moins superflues à quiconque n'est pas familiarisé avec la vie sauvage. De même, l'espoir d'en obtenir la restitution doit paraître plus illusoire encore. Les difficultés que présente l'entreprise sont certainement considérables, car les voleurs, forts et rusés, n'ont laissé aucune trace. Ils possèdent une avance considérable. Enfin, l'immense fleuve sur lequel ils naviguent ne conserve, et pour cause, aucun vestige de leur passage. Telle est pourtant la confiance des intrépides colons en leur habileté de chercheurs de pistes qu'ils ne doutent aucunement de la réussite. C'est que pour l'homme élevé dès l'enfance à la rude vie d'aventure, la nature n'a pas de secret. Son corps rompu à toutes les fatigues sait endurer toutes les privations. Ses sens toujours en éveil ont acquis une pénétration stupéfiante. Il sait, avec une inaltérable patience, percevoir les moindres indices, scruter d'imperceptibles vestiges, suppléer par induction aux éléments qui lui font défaut et reconstruire une scène comme un savant peut déchiffrer une inscription rongée par le temps et faire revivre la pensée humaine après des siècles écoulés. Non seulement un brin d'herbe foulé, une fleur flétrie, une écorce froissée, une pierre attachée, mais encore la vue d'un oiseau planant à perte de vue ou se détournant brusquement de sa ligne, le cri même légèrement modifié d'un fauve, le plongeon du caïman, l'odeur de la fumée d'un brasier, sont comme autant de documents empruntés par l'habitant des forêts à l'immensité qui l'entoure. Ces facultés ne sont pas d'ailleurs la propriété exclusive de celui qui mène la vie sauvage. Elles ont des équivalents dans notre vie civilisée. Ne voyons-nous pas, à chaque instant, ces fins limiers de police, guidés par ce flair qui fait le détective ou le batteur d'estrade, dépister le malfaiteur à travers ces énormes entassements qui s'appellent Londres ou Paris? Tels les Robinson qui avaient emprunté la méthode aux Noirs et aux Indiens et avaient perfectionné avec leur intelligence les procédés habituels d'investigation. Les renseignements fournis par le blessé n'ayant en aucune façon éclairé la situation, le mystère devenait de plus en plus impénétrable. Il était urgent d'agir rapidement, tout en ne laissant rien échapper, en un mot, de saisir au vol les impressions. De deux choses l'une, où les canaux portant la cargaison descendaient le cours du Maroni, où les voleurs avaient déchargé sur la côte et caché dans les profondeurs de la forêt cette cargaison, après l'avoir fractionnée et répartie dans des pirogues qui remontaient les criques latérales. Dans le premier cas, l'embarcation de Charles, poussée par sa puissante machine, les aurait bientôt rejoints. La seconde hypothèse, plus vraisemblable, allait nécessiter l'étude minutieuse des deux rives du grand fleuve. Il fallait tout d'abord descendre le courant et opérer une reconnaissance qui aurait pour résultat de signaler l'absence ou la présence de la flottille. Cette première partie de l'expédition s'accomplit sans encombre, mais ne donna aucun résultat. On devait s'attendre à ce mécompte. Les Robinson étaient descendus jusqu'au saut Hermina, point extrême que des canots pourvus de nombreux équipages n'eussent pu atteindre depuis 24 heures, en dépit du vent et du courant. Le Maroni conserva sa morne uniformité. Des Indiens et des bonnies rencontrés en route furent interrogés. Ils n'avaient rien vu. La flottille n'avait pas quitté le haut du fleuve, et les voleurs l'avaient vraisemblablement dissimulée dans une anse ou dans une crique, derrière le rideau de verdure qui s'élève sur l'une et l'autre rive. L'embarcation remonta lentement à demi-vitesse. Henri, debout à l'arrière, près de Charles, fouillait du regard les masses de verdure terne, emmêlées de lianes, coupées de troncs rugueux et piquées de fleurs éclatantes. Son frère, les yeux collés à sa lorgnette, interrogeait l'autre berge, située à plus de 1500 mètres. Les deux jeunes gens ne voyaient rien d'insolite, quand l'aîné des Robinson, immobile depuis plus d'une heure comme un chasseur à l'affût, fit un brusque mouvement. Il saisit son fusil, l'arma et se tint prêt à faire feu. « Qu'y a-t-il, Henri ?» demanda le père à voix basse, sans lâcher la barre. « Un feu !» répondait brièvement le jeune homme. « Ça même !» fit Lomi d'un ton approbateur. « Où vois-tu un feu, mon cher enfant ? L'atmosphère ne révèle aucune trace de fumée. Je ne la vois pas, je la sens. Tu sens la fumée ? Oui, père, je ne comprends pas. Voici, un brasier brûlait il y a 5 minutes, là, à moins de 100 mètres. L'on vient de l'éteindre. Oh, oh ! Dit à son tour Bachelico avec admiration. Oh, j'ai compé Henri, tôt qu'à parler bonbons, oui. L'on vient de répandre de l'eau sur les charbons ardents, et je sens parfaitement l'odeur de cendre chaude fraîchement mouillée. La vapeur d'eau que m'apporte la brise est vaguement imprégnée d'une senteur qu'il me semble reconnaître. Je gagerai que le brasier était alimenté avec du sassafras. « Oui, compé, » s'écria Lomi. « C'est vrai, » dirent en même temps Edmond et Eugène, qui les narines dilatées, aspiraient à petits coups, l'air humide s'exhalant des marécages. « Stop !» cria Robin. Nicolas renversa la vapeur et le canot s'arrêta. Il était 4h30 du soir. Il fallait penser à s'occuper du campement. Et la halte eût été commandée, quand bien même cet incident, fût-il en apparence, ne l'eût pas motivé. Le débarquement s'opéra méthodiquement. Robin et ses fils connaissaient trop bien les ruses des habitants de la forêt vierge pour s'élancer en aveugle à l'aventure. Charles siffla son chien. L'intelligente bête dressa l'oreille, s'étira, bâilla et renifla fortement. Le jeune homme le caressa doucement, le prit ensuite par la peau du cou, le déposa sur la rive et lui dit « Cherche, Matao, cherche !» L'animal s'avança lentement, fit 2 ou 3 randonnées de droite à gauche, de gauche à droite, resta absent 5 minutes et revint au galop, rappelé par un imperceptible claquement de langue. « La route est libre, » dit Charles, « descendons. Tu permets, n'est-ce pas, père, que j'aille en découverte avec Henri ?»« Bah, mon enfant, mais à une condition, c'est que Lomi et Bachelico vont vous accompagner. » « Oh oui, mouché, nous que aller, nous comptons, oui !» Les 4 jeunes gens, le fusil armé de la main droite, le sabre de la gauche, suivirent le chien qui, sans la moindre hésitation, les conduisit à un foyer établi en plein bois et complètement caché par les arcabas d'un sassafras colossal. « Bravo, Henri !» fit Charles émerveillé. « Chut !» Matao semblait donner des signes d'inquiétude. Il évoluait avec rapidité autour de l'arbre et semblait vouloir suivre une piste dont ce merveilleux odorat lui révélait l'existence. « Rappelle ton chien, » dit Henri, « et examinons le foyer. » « Tu avais raison de point en point, mon cher Henri. Le campement a été précipitamment évacué. Les cendres ont été noyées, et les hommes qui étaient là tout à l'heure devaient avoir intérêt à se cacher puisqu'ils se sont enfuis si vite. Parbleu, mais tout cela ne nous apprend rien. Il faut savoir qui ils sont, leur nombre et la direction qu'ils ont prise. Ça ne sera pas facile, tu crois ?» « Ah, ça, je ne te reconnais plus, mon cher petit. Une absence d'une année t'a donc bien changé. Mais toi, Henri, tu es bien plus habile qu'aucun de nous. La forêt n'a pas de mystère pour toi. Tu es un véritable sauvage. Merci du compliment, monsieur le Parisien. Ce n'est pas ça que je voulais dire, tu le sais bien. Qui peut le plus ne peut pas toujours le moins, et toi, tu peux l'un et l'autre, mieux que nul d'entre nous. Encore une fois, merci. Je vais tâcher de légitimer l'excellente opinion que tu as de mes faibles mérites. « Voyons, quels sont nos inconnus ? Tiens, ils ont effacé leurs traces, les niais. À quoi cela peut-il bien les avancer, d'autant plus qu'ils n'ont pas pensé à tout ? Comment cela ? Regarde donc, Lomi, et demande-lui ce qu'il montre du bout de son doigt. » Le noir indiquait, en effet, sans mot dire, une légère empreinte circulaire laissée sur la cendre par un corps étranger. « Qu'est-ce ? » demanda Charles. « Mais tout simplement le fond de la dame Jeanne qui contenait l'eau ayant servi à éteindre le feu. C'est vrai. » « Je vois distinctement les saillies du clissage. »« Cette bouteille appartenait-elle à des Blancs, à des Indiens ou à des Noirs ?»« Nous allons voir. » Parbleu, dit après quelques minutes de patiente recherche, le jeune homme radieux, « Le hasard me sert à souhait. » Il n'avait jusqu'alors fait aucun mouvement afin de ne rien changer à la configuration du sol. Sans quitter sa place, il saisit son fusil par la couche, allongea le bras tant qu'il put et attira lentement avec l'extrémité du canon un objet rond qu'il saisit de la main gauche. Le bouchon de la dame Jeanne. La bouteille contenait primitivement du vin, et je crois pouvoir affirmer qu'elle a été débouchée par un Blanc. Comment cela ? Quant à son contenu, je n'ai pas grand mérite à le deviner. Le liège est encore tout imprégné de l'odeur vineuse. Mais, objecta Charles, bien que les Indiens aiment passionnément le tafia, ils ne font pas fi du vin le cas échéant. Si, comme j'ai tout lieu de le supposer, cette dame Jeanne provient de ma cargaison, il y aura quelque témérité à admettre que les peaux rouges aient dédaigné mon excellent médoc. D'accord. Mais je ne crois pas que les tire-bouchons soient bien communs dans le voisinage. Les Indiens se contentent d'enfoncer le bouchon dans la bouteille qu'ils veulent vider, tandis que celui-ci conserve la trace de la spirale d'acier. Tiens, regarde, au milieu de la scie rouge, qui porte encore le cachet d'une des meilleures maisons de la colonie, Adolphe Bailly, jeune et fils. « Tu as toujours raison, Henri. Ton flair est vraiment merveilleux. »« Bon, » reprit modestement le jeune homme, « tout au plus un peu de méthode et d'attention. » Ah, voici une nouvelle trace. Je ne m'attendais pas à la rencontrer en pareil lieu. Tiens, c'est bizarre. On dirait les empreintes d'un tamin noir. Notre vieux camarade Michaud nous a depuis longtemps familiarisé avec elle. Il n'y a pas à s'y tromper. C'est bien là le moule des griffes de devant, replié sur la plante du pied. Et celui des pas de derrière qui s'appuie franchement sur le sol. Bien. Mais ne remarques-tu pas une particularité étrange, peut-être unique? Non. Que vois-tu d'insolite? C'est que les tamins noirs, comme tous les plantigrades, vont l'amble, c'est-à-dire avancent en même temps les deux pieds du même côté. Tandis que celui-ci bat au pas. L'action des membres a eu lieu en diagonale et séparément. Alors tu conclus que ce tamin noir est... Je ne conclus rien. Je constate une anomalie. Et cela me donne plus à réfléchir que cette piste est la seule qui apparaisse. Je surveillerai ce tamin noir. Nous verrons demain ce qu'en pensera notre nouvel ami Matao. Le chien, entendant son nom, frétilla de la queue et se mit à trottiner autour du sassafras. Il revint au bout d'une demi-minute, le museau complètement rouge, comme s'il avait trempé son nez dans du sang. « Tiens, du roucou !» Matao allait, venait, et semblait inviter Charles à le suivre. Le jeune homme disparut et reparut presque aussitôt, portant un koui orné à la manière indienne. La calebasse, encore souillée de roucou mélangé d'huile de bâche, avait certainement été abandonnée peu de temps auparavant par un Indien qui venait de faire sa toilette. « Tu vois que ce sont plutôt des Indiens, » dit-il à son frère. « Cela me prouve qu'il y a des peaux rouges, mais je n'en suis pas moins certain de la présence d'un blanc. D'autant plus que la découverte de ce couille me paraît au moins suspecte. Comment admettre, en effet, que des gens si soucieux d'effacer jusqu'au moindre vestige de leur passage ne se soient pas aperçus de la perte de cet ustensile? Ou je me trompe fort, où le koui a été laissé en ce lieu, pour égarer nos suppositions et nous faire croire simplement à la présence d'un parti de peau rouge. Puisqu'il en est ainsi, revenons au canot. Nous en savons assez pour le moment. » La perplexité des Robinson s'augmenta encore de toutes les suppositions que faisait naître ce dernier incident. Ils tinrent conseil et décidèrent unanimement que l'on camperait sur le lieu même que venaient d'abandonner les inconnus. Il ne fallait pas songer à passer la nuit dans le canot. Madame Robin, brisée de fatigue, éprouvait un insurmontable besoin de repos. Comme la plus large place avait été réservée aux blessés qui sommeillaient dans l'embarcation, sur un lit de feuilles de macoupie, il était impossible d'y installer une autre couche. Il fut résolu que la troupe serait partagée en deux. Robin, sa femme, Edmond, Eugène, Charles et Lomi resteraient à terre avec Matao. La garde du canot serait confiée à Nicolas, Henri et Bachelico, qui ferait sentinelle à tour de rôle et veillerait sur M. Duvallon. La bernache, laissée en liberté, à l'avant, les avertirait par ses cris de tout mouvement suspect. Ce premier point arrêté, la consigne donnée, les rôles distribués, les huit hommes se mirent au devoir de construire avec leur adresse accoutumée, non pas un, mais deux carbets. Le terrain fut minutieusement étudié, la solidité des arbres reconnue, afin d'éviter une catastrophe semblable à celle qui avait failli coûter jadis la vie à Robin et à ses trois fils. Quand la nuit vint, les deux abris étaient achevés. L'un, parfaitement en évidence et bien découvert, s'élevait sur l'emplacement occupé jadis par le foyer si précipitamment éteint. L'autre, au contraire, était habilement dissimulé par des lianes et des branchages verts. Ils s'élevaient à 40 mètres l'un de l'autre, et une éclaircie ménagée entre eux permettait de voir du second tout ce qui pouvait se passer dans le premier. Des hamacs furent tendus dans tous les deux, puis la famille prit en commun son repas, sous le dernier, au milieu duquel flambait un feu qui devait durer toute la nuit. Quand l'heure du sommeil fut venue, les Robinson regagnèrent à pas de loup l'autre carbet, dont l'œil le mieux exercé n'eût pu reconnaître, la nuit aidant, la présence à 3 mètres. Lomi resta seul près du brasier qu'il laissa s'éteindre à dessein, puis, profitant de l'obscurité, il bourra de branches et de feuilles les hamacs suspendus aux poutrelles, de façon à faire croire à la présence des dormeurs. Il entassa ensuite sur les charbons plusieurs brassées de bois dur et vint rejoindre la famille en riant silencieusement de son large rire de nègre. « Tout est paré, n'est-ce pas, Lomi ?» demanda Robin à voix basse au jeune Bonnie. « Tout ça paré, bonbon, oui, mouché. Si Michan Moun vini côté carbet là-bas, l'y bien attrapé. » C'est bien, mon enfant, va dormir. Je vais veiller le premier pendant 1 heure. Charles me remplacera, puis Edmond, puis Eugène. Tu prendras la garde à 1 heure du matin. » Le cri de la chouette, imité par Henri, avec une perfection telle que l'oiseau lui-même s'y fut trompé, partit du canot. Ce cri signifiait que tout allait bien à bord. L'homme y répondit par un houloulement prolongé, puis le campement rentra dans le silence. Les nuits équinoxiales sont d'une longueur à laquelle l'Européen s'habitue difficilement. Cette interminable et monotone succession d'heures est incroyablement énervante. L'obscurité complète, sans aurore ni crépuscule, qui dure 12 heures, du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, constitue parfois un véritable supplice. D'autant plus que la température, conservant toujours son implacable uniformité, les habitants de la région intertropicale ignorent et les 12 soirées d'automne et les frais matins d'été qui sont le privilège de la zone tempérée. Aussi, quand le voyageur, courbaturé par une course à travers bois, a pris les 6 ou 7 heures de sommeil indispensables au repos de son organisme, l'insomnie arrive à 2 heures du matin et le condamne à l'audition forcée du concert improvisé chaque nuit par les sauvages habitants des bois. Qu'une cause accidentelle, accès de fièvre, fatigue excessive ou préoccupation violente vienne encore s'ajouter aux perturbations habituelles, la nuit en forêt devient exaspérante. Les Robinson, bien que familiarisés de longtemps avec cette apparente anomalie de nuit longue comme celle de l'hiver et suffocante comme celle de l'été, éprouvaient sous la menace d'un péril inconnu ces vagues appréhensions auxquelles ne peut se soustraire le tempérament le mieux trempé. L'insomnie s'était produite en sens inverse, et ils s'étaient longtemps retournés dans leur hamac avant d'être emportés dans le pays des rêves. Enfin, ils reposaient paisiblement au moment où l'homme y prit sa faction. Le bonny, accroupi sur les talons, le torse droit, la tête un peu penchée, appuyé sur ses 2 mains, veillait dans cette attitude particulière aux hommes de la race noire. Son œil, fixé sur l'autre carbet, ne quittait pas le foyer qui brûlait au centre de la légère construction, et son oreille cherchait à démêler un bruit étranger au murmure immense de la forêt. La faction durait depuis 1/4 d'heure à peine, quand le noir crut apercevoir une ombre quitter lentement la zone sombre formée par les arbres et s'avancer vers la clairière illuminée par les lueurs du brasier. L'ombre, qui affectait une forme allongée, s'arrêta juste à la limite éclairée, puis sembla inventorier l'intérieur du carbet en apparence habité. Cette silhouette ne pouvait être celle d'un homme. On eût dit un quadrupède énorme auquel les lueurs fugitives donnaient de temps à autre des dimensions fantastiques. « Hein ? Hein ?» murmura en aparté l'homme. « Que c'était ça, bête-là » Matao s'approcha en rampant du noir, plissa le museau et se tint prêt à s'élancer. Au moubette, l'être animé fit encore 2 pas, et l'homme vit non sans étonnement qu'il était surmonté d'un long et large panache animé de singuliers mouvements latéraux. Le bonny se mit alors à rire de son large rire muet. Il prit doucement son fusil, l'arma en appuyant le doigt sur la détente afin d'éviter le craquement du ressort, et épaula lentement. Les essences résineuses contenues dans les bois en combustion donnèrent tout à coup à la flamme une grande intensité, et le noir reconnut un énorme tamas noir qui semblait en extase. Les mouvements du panache avaient une signification. Le plantigrade joyeux et intrigué imprimait à son immense queue ses inflexions capricieuses qui sont chez les animaux de sa race l'indice de sa jubilation. « Que ça voulait tout, tamondou ?» dit le bonny. « L'ipagin fourni côté Carvela. Sitôt pas allé côté forêt, moi qui envoyé bas la tocotelette. » L'homme tenait le tamas noir en joue. Il allait faire feu, quand il aperçut distinctement une forme humaine debout près d'un tronc à 2 mètres derrière l'animal. Cette apparition n'eut que la durée d'un éclair, elle disparut aussitôt. Au même moment, des coin-coin, coin-coin, désespérés, retentissaient dans la direction du fleuve, situé à 30 mètres à peine. C'était l'appel de la bernache. 2 coups de feu retentirent, le bonny n'hésita plus. Il déchargea son fusil sur le tamas noir, qui sursauta sur place, se dressa de toute sa hauteur sur les pieds de derrière et s'enfonça dans les ténèbres. Le brave Matao bondit en avant et s'arrêta aussitôt, rappelé par un léger sifflement. Les Robinson, éveillés en sursaut par les détonations, s'armèrent sans bruit, sans prononcer une parole, et se mirent en défense avec un admirable sang-froid. Le cri habituel au singe hurleur quand il est effrayé se fit entendre à une faible distance. « C'est Henri, » dit à voix basse Robin à sa femme. « Rassure-toi, mon enfant, tout va bien. »« Sur quoi tu tirais, Lomi ?» demanda-t-il au bonny qui rechargeait sans bruit son fusil. Mouquet tiré sur tamandou trop curieux. Ligadé, côté carbé, côté zamac. Mouquet trouvé ça pas bonbon, attrapé tamandou. Un tamanoir à parieur et en un tel lieu, cela me semble extraordinaire. Mouché ou pas savé, Mouquet vu une moun côté arbre, là, oui. Tu avais un homme? Oui, Mouché. Mouquet croyait ça tamandou là, c'était pas tamandou. Et moi aussi, je suis sûr que ton tamanoir n'en est pas un. La plus élémentaire prudence faisait aux Robinsons une impérieuse obligation de rester immobile et de ne quitter à aucun prix leur carbet. Ils n'eurent garde d'y manquer, et chacun d'eux essaya de reprendre sur sa couche le sommeil si brutalement interrompu. Peine inutile. Nul ne put fermer l'œil jusqu'au moment où le doux roucoulement du tocereau annonça que le soleil allait enfin chasser les ténèbres. Les plus hautes cimes s'empanachaient de teintes violettes, et l'obscurité des zones inférieures commençait à s'éclaircir. Le chien indien gronda, mais frétilla de la queue. « Eh bien, » dit une voix joyeuse, « vous avez eu aussi votre alerte ?» C'était Henri qui arrivait à l'improviste, et avec une telle subtilité que Matao seul avait été averti de sa venue. Madame Robin se jeta dans les bras de son fils, qui l'embrassa avec sa tendresse accoutumée. « Tu n'es pas blessé, n'est-ce pas, mon enfant ?»« Non, mère, rassure-toi, pas plus que mes compagnons. Vous avez donc entendu mon signal ?»« Oui, mon ami. » répondit l'ingénieur. « Mais que vous est-il donc arrivé ?»« Ma foi, je n'en sais absolument rien. Je reposais allongé près de M. Duvallon, et selon mon habitude en pareille circonstance, je ne dormais que d'un œil. Tout à coup, le vernage se mit à pousser des cris qui sont arrivés jusqu'à vous. Je m'aperçus que le canot descendait le courant. Je larguai aussitôt la mare du grappin qui sert d'ancre. Le crampon de fer mordit le sol. L'embarcation s'arrêta aussitôt. Pendant ce temps, Nicolas, brusquement éveillé, avisa une forme noire qui flottait près de nous et qu'il crut reconnaître pour un caïman. Il fit feu sur lui et le saurien disparut. Ce caïman, entre nous, ne me dit rien qui vaille, et je suis bien certain de ne pas me tromper, en avançant que ce n'est pas avec ses dents qu'il a coupé mon amarre, mais avec un sabre bien tranchant. C'était un homme, n'est-ce pas? Indubitablement. Et notre bernage nous a rendu un fier service. Ton tamanoir, Lomi, me semble appartenir à la même famille que le caïman de ton compé Henri. J'allais vous demander sur quoi vous avez fait feu. Sur un tamanoir qui s'est éclipsé avec un lingot dans le corps, si toutefois Lomi a tiré avec son adresse habituelle. Nous allons en avoir le cœur net. Matao va nous guider, reprit Henri qui caressa le chien et lui dit « Cherche, Matao, cherche, un homme. » L'intelligent animal aspira les buées humides s'échappant du sol et s'avança au pas, sans un aboi, sans un gémissement vers le carbet où fumaient encore quelques tisons. Une large tache de sang souillait le sol, et des gouttes rouges assez nombreuses indiquaient la voie suivie par l'animal blessé. Henri s'enfonça dans le bois et revint après une absence d'un quart d'heure. Il portait une superbe peau de tamanoir corroyée à la manière indienne. De ses dépouilles plaquées de rouge comme le sol, s'échappait une odeur fade de sang frais. « Tiens, Lomi, » dit le jeune homme à son ami, « la peau t'appartient. Il y a encore dans la queue le petit morceau de bambou flexible servant à la faire mouvoir. L'homme qui l'habitait cette nuit a son compte, si j'en juge par la direction de la balle qui a frappé en plein défaut de l'épaule. S'il n'est pas mort, il n'en vaut guère mieux, car j'ai retrouvé la trace de ceux qui l'ont emporté. Mes amis, nous l'avons échappé belle. » Le soleil est élevé depuis 10 minutes. Des flots de clarté ruisselaient sur les arbres et faisaient étinceler au loin l'immense nappe d'eau. « Alerte !» cria la voix de Nicolas. « Alerte, un canot !» Les Robinsons se précipitèrent vers le rivage et aperçurent en effet, à 300 mètres environ, une grande embarcation à voile qui descendait lentement le fleuve. Un homme de haute taille, un peau rouge, qui ne cherchait nullement à se dissimuler, manœuvrait les coudes de la voile. Un blanc, ou du moins un homme vêtu à l'européenne, se tenait à la barre. La machine du canot de papier était éteinte depuis la veille. Henri et Edmond s'emparèrent chacun d'un aviron et s'élancèrent accompagnés de Charles et de Nicolas à la poursuite du voyageur matinal. « Enfants, de la prudence !» leur dit Robin en les quittant. Charles lui montra une petite carabine à répétition. « Il y a 6 cartouches, c'est ma mitrailleuse. Et voici ma forteresse, » dit-il en relevant la proue du léger esquif, une épaisse plaque de tôle qui formait le siège de l'avant et vint en se dressant s'arc-bouter sur deux montants à la façon d'un strapontin. « Nous sommes à l'épreuve de la balle. »« En avant, Nage ferme, canotier. » Le canot de papier gagnait rapidement sur l'autre dont le patron semblait se promener le plus tranquillement du monde. « Arrête !» lui cria Henri quand il fut à portée de la voix. « Arrête !» Le Peau-Rouge ne lâcha pas son écoute et ne tourna même pas la tête. « Voilà un gaillard qui va tout à l'heure faire connaissance avec mes poings !» reprit l'aîné des Robinson dont la patience n'était pas la vertu dominante. « C'est bien des canaux de Grondel, n'est-ce pas, Charles ?»« J'en suis absolument certain. » « Et Grondel lui-même ?» cria d'une voix mourante l'homme de la barre qui, se soulevant avec peine, montra sa figure couverte d'échymoses et de plaies sanglantes. « Eh bien, à l'abordage !» Les deux canaux étaient bord à bord. Henri et Charles s'élancèrent en même temps. Le Peau-Rouge sortit de son immobilité. Il se leva lentement, développa sa haute taille et regarda fixement, sans mot dire, les deux frères. Si cet homme avait, comme on dit au théâtre, voulu produire un effet, il y réussit pleinement. Imaginez-vous une figure glabre, sinistre, hideusement barbouillée de roucous et de génipas, surmontant un long torse également vermillonné sur lequel s'étalait un dessin étrange. Sur la poitrine, grimaçait une tête d'Aymara largement ouverte, et le ventre disparaissait sous une énorme fleur de Victoria Regia, rendue avec une incroyable fidélité. « Ah, parbleu ! Le drôle doit certainement être un de nos voleurs. Quant aux mystérieux emblèmes qui nous ont si fort intrigués et que nous retrouverons si bizarrement sur son corps, j'espère bien qu'il va nous en donner la signification. Je ne serais pas fâché d'avoir le mot de cette énigme. » Henri laissa lourdement tomber sa main sur l'épaule de l'homme et lui dit en créole « Mon garçon, nous avons un compte à régler ensemble. Vous allez nous suivre à la côte, et là nous verrons ce que nous aurons à faire de vous. » L'Indien ne sourcilla pas. Sa large bouche aux longues dents s'entr'ouvrit, et les deux jeunes gens interdits, pétrifiés, affolés, entendirent cette phrase baroque prononcée avec une emphase désopilante. « Je étais sujet anglais. Je ordonnais vous laisser continuer le navigation de Moa. »